qu'à chercher le papier tous les jours. C'est pour papa, faut un château. J'sais même plus si j'suis dans une château, une fontaine d'eau, même fin bateau. J'ai pu les fils enlever mes survêtements. J'ai tout fait pour gagner mes honnêtements. On va tout donner jusqu'à quand? Mais jusqu'à toi. On envole comme un petit pélican. Quitter la camp, rage full camp. Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? J'prends mon envol comme un petit pélican. Quitter le camp, rage full camp. Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? J'suis en roue libre, si tu gigotes, on éteint la bougie. Faut pas toucher, t'auras des ennuis. Faut pas tousser, le produit est nocif. Dans un trafic, j'les sens la sativa. Dans des focus, j'dors avec Samira. Dans les émirats. Pour éponger mes soucis, je dois faire la guérilla, après t'en guérir. No, no, nobody. Je suis sur NSI, NSI, XO. La chérie veut qu'on fly dans la Benzo, Benzo. Je peux pas renverser belle vaisseau, ma Wally. Je suis pas trop à l'aise, ami. Je suis un discrant, discrant, chemise. Seul dans mon wank, loin des ennuis. J'encaisse tout le temps, c'est calme. Je pars, je suis pâlé. Je marche plus sur Paris. Ce soir, je suis pas. J'encaisse tout le temps, c'est calme. Je m'aime plus. Sur corner, j'suis pas, ce soir, j'suis pas là. On envole comme un petit pélican, quitter le camp, rage full camp. Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? J'prends mon envol comme un petit pélican, quitter le camp, rage full camp. Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? Traînez en aide, dis-moi jusqu'à quand? Pour le quartier, le respect est pas là, donc j'dois vite m'écarter. J'suis tout en noir comme les Rolling Stones. Je suis pas dispo, je suis tout en or, je suis en roue libre.